C'est une nouvelle d'amour, une nouvelle de joie, et donc une bonne nouvelle pour vous d'abord, bien sûr, mais aussi pour nous et pour l'Église de Dieu. Oui, nous partageons votre joie et nous prions avec vous et pour vous, le Seigneur qui vous donne de vivre ce bonheur. Qu'il vous donne de le vivre jusqu'au bout et d'être lui-même la source de la plénitude de cette joie qu'il a promise à ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Vous avez choisi d'ailleurs les lectures de cette messe dans ce sens-là. Jusqu'au jour de votre rencontre, sans doute, vous viviez chacun de votre côté votre vie chrétienne, aidé par vos parents, soutenu par les prières de la communauté chrétienne d'où vous venez. Aujourd'hui, vous prenez vous-même vos responsabilités, mais ensemble, mettant l'accent sur cette stabilité, cette fidélité dans l'amour auquel le Seigneur vous appelle. Vous n'êtes plus deux, mais une seule chair, mais aussi un seul esprit et un seul cœur, car l'amour ne peut être qu'unique. L'amour est un, puisqu'il est participation à l'amour même de Dieu qui, lui, ne peut être divisé. Désormais, c'est ensemble que vous cheminerez, regardant dans une même direction et guidé par cet Esprit de Dieu qui est un esprit d'amour, cet Esprit de Dieu qui vous unit, qui vous sourit, qui vous bénit et fera grandir cet amour qui ne pourra jamais s'épanouir qu'en lui. Sur le chemin de la vie qui s'ouvre devant vous, vous ne voyagerez jamais seul. Le Seigneur chemine avec vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur chemine avec vous et sera bien, quelles que soient les circonstances de votre vie, le seul et unique témoin de chaque instant de votre vie. C'est lui qui verra votre amour grandir et c'est en lui seulement que vous trouverez la force, le courage parfois, de rester unis en lui, sachant très bien que nulle part ailleurs vous trouverez l'amour durable qu'il met aujourd'hui dans votre cœur. Le Seigneur chemine avec vous et ici et là, sur la route, vous trouverez toujours une maison de Dieu où le Seigneur vous attend pour vous parler, pour vous rappeler votre engagement, pour vous maintenir dans la confiance et pour se donner à vous en nourriture et fortifier ainsi votre foi et votre amour. Et je souhaite aussi que le témoignage de votre foyer chrétien soit pour beaucoup d'autres une source de lumière et d'espérance. Vous savez très bien que nos frères attendent le Christ et l'amour du Christ de ceux qui se disent chrétiens. Contrairement à ce que l'on peut croire, être chrétien, mais vraiment chrétien, n'est pas chose facile. Ceux qui trouvent la chose facile n'ont certainement pas grandi ou fait grandir leur foi. C'est à vous de prendre conscience de votre responsabilité dans un monde où seule une foi vécue peut mettre un peu plus de paix, de joie et d'espérance. Chacun de nous, chaque foyer, est responsable de ce qui se passe dans ce monde des hommes. Alors à vous d'y apporter la foi, l'espérance en Dieu et l'amour qu'il a mis dans votre cœur. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Regardez vers lui, vous ne serez jamais déçus. Soyez lui fidèle, et lui vous conduira, se montrera encore plus fidèle envers vous. Qu'il bénisse cet amour qui vous unit aujourd'hui, qu'il le fasse grandir et vous aide à le vivre. Amen.